chaque fois que je pense pouvoir atteindre le ciel à la dernière seconde. Le ciel me brûle les ailes, me rejette dans le noir, dans les antres éternels, dans les tréfonds du sommeil, dans des silences irréels. Alors pars, envole-toi, rêve dans le monde là-bas. D'une terre qui t'ouvre ses bras, cette réalité-là n'est pas faite pour toi. Ouvre les yeux, réveille-toi. Chaque fois que je ressens ces renoncements de soi, ces appels insistants, lueur sombre et d'effroi, parsemé de révérences. Remplis le son de ma voix. Alors pars, envole-toi, rêve dans le monde là-bas. D'une terre qui t'ouvre ses bras, cette réalité-là n'est pas faite. Tu ne regardes pas.